Le Victoria toucha plusieurs fois le sol et se releva. Ses bonds diminuaient, de hauteur et d'étendue. Au dernier, il s'accrocha, par la partie supérieure du filet, aux branches élevées d'un baobab, seul arbre isolé, au milieu de ce pays désert. « C'est fini, » fit le chasseur. « Et à 100 pas du fleuve, » dit Joe. Les trois infortunés mirent pied à terre, et le docteur entraîna ses deux compagnons vers le Sénégal. Arrivé sur les bords, Ferguson reconnut les chutes de Gouina. Pas une barque sur la rive, pas un être animé. Mais, avec un énergique accent d'audace, il s'écria « Tout n'est pas fini !» La vue de l'herbe desséchée avait inspiré au docteur une idée hardie. « Il m'en faut 100 livres au moins !»« Je n'ai plus de gaz, eh bien, je traverserai le fleuve avec de l'air chaud !» Pendant ce temps, le docteur avait agrandi l'orifice de l'aérostat en le coupant dans sa partie inférieure. Puis il empila une certaine quantité d'herbe sèche sous l'enveloppe et il y mit le feu. Aussi, le Victoria commença à reprendre sensiblement sa forme arrondie. Il était alors 1h15. En ce moment, apparut la bande de Taliba. « de l'herbe, Joe! Dans 10 minutes, nous serons en plein air !»« Voilà, monsieur !» Le Victoria était aux 2/3 gonflé. Le ballon, entièrement dilaté par l'accroissement de la température, s'envola, en frôlant les branches du baobab. « En route !» cria Joe. L'aérostat monta après les 800 pieds. 10 minutes après, les intrépides voyageurs descendaient peu à peu vers l'autre rive du fleuve. Là, surpris, émerveillés, effrayés, se tenait un groupe d'une dizaine d'hommes qui portaient l'uniforme français. Leur chef connaissait par les journaux d'Europe l'audacieuse tentative du docteur Ferguson. Ils se rendirent tout de suite compte de l'événement. Aussi, les Français se précipitèrent dans le fleuve et reçurent les trois Anglais entre leurs bras au moment où le Victoria s'abattait à quelques toises de la rive gauche du Sénégal. Les Français emportèrent les voyageurs au-delà du fleuve, tandis que le ballon à demi dégonflé, entraîné par un courant rapide, s'en alla, comme une bulle immense, s'engloutir avec les eaux du Sénégal dans les cataractes de Gouina. « Pauvre Victoria !» fit Joe. Le docteur ne put retenir une larme. Il ouvrit ses bras et ses deux amis se précipitèrent sous l'empire d'une grande émotion.